Chapitre 7e. Quand Alfred Chazel eut quitté le salon de la rue Lincoln, Armand, demeuré seul, ressentit le besoin d'y voir clair en lui-même. La visite de son ami d'enfance lui avait infligé une impression de malaise qu'il ne put secouer ni durant cette fin de matinée, ni durant l'après-midi tout entière dépensée à faire des courses. Il s'était affranchi, par un petit mot et une excuse imaginaire, du rendez-vous fixé la veille avec Hélène, et dans sa chambre, comme dans le fiacre qu'il voiturait de quartier en quartier, il eut le courage de s'interroger avec franchise. Il trompait avec du mouvement physique l'indéfinissable et intolérable tristesse dont la scène qu'il avait traversée l'accablait toujours. Il alla de fournisseur en fournisseur, payant des notes arriérées, posant des cartes dans les maisons où il n'avait pas mis le pied depuis des mois, et sans cesse, il en revenait à cet examen du fond de sa conscience. Pourquoi se trouvait-il secoué à ce degré d'un événement naturel qu'il était si aisé de prévoir et qui, somme toute, n'aboutissait à aucune conséquence désastreuse? Mais non, il ne pouvait songer à Chazel sans qu'une blessure saignât en lui, cuisante. Son amour-propre avait été frappé en sa plus intime profondeur. Lui, qui depuis leur commune adolescence traitait Alfred en pensée comme un être inférieur, lui qui avait pris sa femme à ce malheureux sans le moindre remords, il venait subitement d'être écrasé de générosité par cet homme, dédaigné jusqu'à l'outrage. Il n'y avait pas à se révolter, à se raidir là contre. Entre eux deux, c'était lui, Armand, qui jouait le vilain rôle, et il en souffrait par les portions basses de son être, par cet orgueil d'être le premier qui, dès leur enfance, se manifestait à travers les plus minimes détails. Entrait-il au restaurant, s'engageait-il dans une partie de campagne, c'était Armand qui voulait payer, comme il voulait l'emporter à tous les jeux, avoir des prix aux distributions. La vanité l'avait empêché de prendre une carrière. La vanité encore l'avait tourné du côté des aventures féminines. Aussi était-il humilié jusque dans les moelles. Mais son malaise dérivait en même temps d'une cause plus noble. La corde de la pitié avait vibré en lui au soupir de l'affreuse plainte entendue pendant une heure. Chez Armand de Kern, la sécheresse d'âme n'était pas foncière. Elle provenait de ce qu'en lui l'émotion traversait toujours le cerveau avant d'arriver au cœur. Par une déformation intime qui se retrouve dans tous les amours de tête, il fallait qu'il se donnât des raisons pour sentir de telle ou telle manière. L'impuissance d'aimer, dont il était la victime, provenait de ses dispositions particulières. Il n'avait jamais pu croire à la vérité du cœur d'aucune femme, et par suite, il s'était toujours donné des raisons de n'en aimer entièrement aucune. Cette sorte de nature est la plus misérable de toutes, car elle mène ceux qu'elle domine aux pires actes d'égoïsme, sans leur assurer la sérénité glacée et inconsciente des vrais égoïstes. C'est ainsi que ce jeune homme avait pu devenir l'amant d'Hélène sans un scrupule, et marcher sur l'amitié aussi paisiblement que sur le tapis de la chambre de leur rendez-vous. Cependant, la souffrance d'Alfred venait de le remuer jusque dans ses dernières fibres. C'est qu'il ne discutait pas de la sincérité de cette souffrance. Il l'avait touchée ainsi qu'un objet, et comme il y croyait, il la sentait. Du même coup, et pour la première fois, il apercevait la portée réelle de sa conduite. S'il avait soupçonné seulement la profondeur de l'amour de Chazel pour Hélène, s'il avait su de quelle ardeur d'amitié cet homme le chérissait, lui, Armand. Mais voilà, on se fait sur une personne des idées qu'on ne vérifie plus. On se dit, cet homme n'est rien. On ne tient pas plus compte de son existence que de celle d'une bête ou d'une plante. Et puis, on se trouve face à face avec un cœur qui palpite et qu'on a frappé, un bonheur qui était vivant et qu'on a tué. Quel malentendu au fond de nos fautes, et combien d'entre elles ne sont que des méconnaissances d'autrui, mais irréparables. Armand de Kern promena ses idées tout le jour, et à leur extrémité, ce qu'il rencontrait d'une façon continue, c'était par-dessus tout le reste, l'image d'Hélène et encore d'Hélène. Pour qui avait-il trompé la confiance d'Alfred pour Hélène? À qui avait-il sacrifié si allègrement ses souvenirs d'enfance et de jeunesse? À Hélène. Dans l'intérêt de qui venait-il de donner cette honteuse parole d'honneur? Dans l'intérêt d'Hélène. Or, le jeune homme en était arrivé, dans ses sentiments pour sa maîtresse, à la minute où la moindre contrariété s'exagère jusqu'à devenir insupportable. Que dire d'une humiliation pareille? Il ne s'était pas trompé en reconnaissant, à la veille même du premier rendez-vous, qu'il ne pourrait jamais l'aimer. Il avait traversé d'abord une période assez douce de plaisir enivré, durant laquelle il s'était abandonné au charme de posséder une délicieuse maîtresse. Aussi caressante qu'elle était jolie, aussi soumise qu'elle était passionnée. Mais à cette époque même, il ne se faisait pas d'illusions sur le caractère du sentiment qu'elle lui inspirait et sur sa durée. Quant aux démonstrations de tendresse auxquelles se livrait Hélène, il y voyait un étalage de romanesque explicable par un long séjour en province parmi de mauvais livres et d'absurdes rêves. « C'est une Madame Bovary », se disait-il, et avec ce simple mot, il avait réponse à tout. Une fois que la maladie de l'incroyance est attaquée à un cœur tourmenté, chaque détail nouveau lui sert d'aliment. Les transports d'Hélène et ses mélancolies, ses paroles et ses silences avaient servi d'armes contre elle. S'abandonnait-elle à ses impressions avec la fougue d'une âme profondément remuée? Il la jugeait mal. C'était une libertine, et rien de plus. S'enveloppait-elle dans une tristesse réservée? Il la jugeait mal. Elle voulait produire de l'effet, prendre une attitude. Elle l'interrogeait sur lui-même et sa vie. Quelle tyrannie! Elle se taisait. Quelle hypocrisie! Avec cela, et par une apparente inconséquence, comme en la bonté facile des indifférents, soucieux de s'épargner les heures inutiles, Armand s'était prêté aux exigences de la passion d'Hélène. Il avait, pour éviter de menues contrariétés, abandonné beaucoup de ses habitudes. Il refusait les dîners après les dîners, remettait les visites après les visites, distançait ses apparitions au cercle de la rue Royale où il se montrait jadis presque chaque jour. « On ne vous voit plus. »« Je vous croyais en voyage. »« Mauvais sujet, quel bonheur nous cachez-vous donc ?» C'est par de telles phrases que l'accueillaient presque toutes les personnes qu'il rencontrait sur un coin de trottoir, au seuil d'un restaurant, dans un couloir de théâtre. Ces phrases l'avaient d'abord fait sourire. Elle lui donnait maintenant un vague regret de son existence d'autrefois. À mesure que l'accoutumance émoussait pour lui le plaisir de la possession d'Hélène, il se surprenait à rappeler avec nostalgie les insipides distractions de sa liberté, qu'il devait, aussitôt reprise, considérer de nouveau comme d'odieuses corvées. Toutes ces impressions de nuances diverses aboutissaient à lui rendre lourdes ses relations avec Hélène, bien avant la scène dont le cruel souvenir le persécutait à présent. Mais cette scène, une fois traversée, pouvait-il conserver ses rapports actuels avec sa maîtresse? Non, mille fois non, il ne le pouvait pas. Pour lui-même, d'abord. « Ma foi, se disait-il, je veux bien me mépriser jusqu'à un certain point, mais pas au-delà. » Tant qu'il ne m'en avait pas parlé. Il s'arrêta sur cette idée, puis, tout haut, avec un mauvais rire, « Tant qu'il ne m'en avait pas parlé, c'était exactement la même chose. » « Oui, mais je ne le sentais pas comme maintenant. J'en ai assez de tout ce mensonge. Pouah, pouah !» fit-il encore, et il avait dans la bouche une amertume physique, presque une nausée réelle, à la pensée de tromper encore Alfred après cette démarche que l'autre avait faite si loyalement, si tendrement. Et puis, songeait-il, je ne le peux pas pour elle. Quand une jalousie est éveillée, elle ne se rendort jamais tout à fait. Alfred finirait par tout comprendre. Il suivrait sa femme ou la ferait suivre. Voyez-vous cela? Une surprise, un scandale, et cette malheureuse Hélène, perdant du coup sa situation, son enfant, une partie de sa fortune, sans doute, le tout pour être contrainte de vivre avec moi qui ne l'aime pas et qu'elle n'aime pas. Afin de donner de la force au projet de rupture définitive qui déjà s'esquissait dans sa tête, il se complut à considérer cette dernière idée. Non, Hélène ne l'aimait pas. Elle croyait l'aimer, comme elle avait vraisemblablement cru aimer Barade et les autres. Car il devait y en avoir eu d'autres, en vertu de l'axiome qu'on n'est jamais la première ni la seconde aventure d'une femme. Si nous rompons, ce sera une scène de larmes à subir. Elle aura quelques semaines de mélancolie, de quoi dire à son prochain amant en levant les yeux au ciel, « Comme j'ai souffert, mon aimé !» ou bien à sa meilleure amie, « Ah, les hommes, les hommes !» Il eut un moment de vilaine gaieté, puis ses réflexions recommencèrent. Les singuliers animaux que les femmes. Voilà un garçon qui a du cœur, de la naïveté, de la foi, comme elles disent. Il s'est aimé, c'est encore un de leurs mots, et il faut que sa femme le trompe. Pour qui? Pour un cynique comme moi, qui suis exactement le contraire. Si ce n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un de pire. C'est humiliant pour la vanité, mais rafraîchissant pour la conscience. Oui, ça aurait été un autre. » Et à quelques minutes de là, le beau raisonnement d'ailleurs pour me justifier, si on l'appliquait à l'assassinat, « Si je ne vous tue pas aujourd'hui, vous mourrez tôt ou tard de quelque autre façon. » La vérité, c'est que l'adultère est une grande saleté. Pouah ! Pouah ! Il rentrait chez lui en repassant et repassant ses tristes conclusions. Quand il fut de nouveau dans son salon et devant le fauteuil où Alfred s'était assis le matin, il se sentit plus incapable encore de continuer à être l'amant d'Hélène. Non pas deux jours, pas un jour de plus. « Il faut en finir et rompre, et tout de suite !» disait-il à voix haute. Il s'assit à sa table pour écrire à Hélène, mais un billet qui lui demandait seulement un rendez-vous, car de briser par lettre et de lui laisser à elle une telle arme entre les mains, c'était folie. S'en aller sans la revoir, comme cela lui était arrivé avec plus d'une maîtresse. Dans la circonstance, c'était impossible. Il aurait dû renoncer aussi à jamais revoir Alfred. Il fallait donc se résigner à une rupture par scène. Le tout était de choisir l'endroit, chez elle. Et si elle allait avoir une crise de nerfs et que l'on vint ? Rue de Stockholm. Mais si elle se jetait entre ses bras, et si la fièvre des sens le faisait la reprendre pour la quitter ensuite, comme un manant, après l'avoir possédée ? Non, encore. Ici est malgré tout préférable, se dit-il. Le domestique à la porte, c'est assez pour que je ne lui cède pas. Et c'est là une attaque de nerfs, j'ai ma petite pharmacie de voyage. Et il griffonna un billet de forme absolument correct. Au cas où Alfred aurait surpris cette missive, il n'y aurait trouvé que l'offre très naturelle, avec un degré un peu exceptionnel d'intimité, de montrer à Hélène des albums pour le choix d'un costume de bal travesti. Il prétextait, afin de justifier le rendez-vous donné chez lui, la grandeur des albums et la difficulté de les transporter. Quand il lui envoyait cette lettre, une mélancolie s'empara de lui. Une subite vision lui montrait d'avance la joie qu'éprouverait Hélène au reçu de ce billet. Les deux fois qu'elle était venue dans l'appartement de la rue Lincoln, ça avait été pour elle une fête du cœur. Quelle déception l'y attendait le lendemain. « Allons, allons, » se dit Armand, « de l'énergie. Dans un petit mois, je serai à Londres pour la saison. À mon retour, ils prendront leurs vacances hors de Paris. Cette vilaine histoire aura fini mieux que beaucoup d'autres. Pauvre Alfred. Il est toujours temps d'agir en honnête homme. » Il se le disait, et notre misérable cœur est si ingénieux à se piper lui-même qu'en se le disant, il le croyait. Il était un peu plus de 2 heures de l'après-midi le lendemain, lorsqu'Hélène Chazelle entra dans ce même salon de la rue Lincoln où son mari avait parlé la veille, et son amie pensait, d'une manière qui lui terrassait l'âme de désespoir, si elle avait pu connaître, et ses paroles, et ses pensées. Mais elle ne savait qu'une chose, sa profonde joie de revoir son ami après un si long temps. Ces 48 heures venaient de lui paraître interminables. Elle avait bien eu, en passant devant le domestique, un petit mouvement d'émotion nerveuse, quoiqu'elle eût son voile sur son visage et que cet homme ne dût vraisemblablement jamais connaître son nom. La joie du revoir était la plus forte, la joie et aussi l'anxiété. Depuis qu'elle avait perdu la certitude enivrée des premiers temps de leur amour, elle ne se séparait jamais d'Armand sans se demander « Comment le retrouverai-je » Et encore maintenant, tandis qu'il la débarrassait de son manchon et de son manteau, elle était à la fois ravie et inquiète. Elle enleva sa voilette et alors seulement elle lui dit « Bonjour » en posant sa tête sur l'épaule du jeune homme et le regardant. Il lui suffit de ce regard pour discerner dans sa physionomie les signes avant-coureurs de la conversation qui se préparait. Il ne lui avait rien dit, et déjà, elle savait qu'il ne l'avait point fait venir pour lui montrer des albums, que l'excuse de la veille pour ne pas l'avoir était mensongère, qu'un événement grave s'était produit. Mais lequel ? Lors de la promenade au jardin des plantes, il y avait de cela juste 2 jours, il avait été plus câlin, plus tendre, moins refermé que d'habitude. Elle avait presque osé sentir tout haut devant lui. Un soudain passage avait de nouveau brouillé l'intimité entre eux. Qu'allait-il dire ? Il l'avait forcé de s'asseoir sans lui avoir donné d'autre caresse que de flatter ses cheveux avec la main, et il commençait de lui parler. Il lui racontait la visite d'Alfred la veille, le début de leur explication, la rencontre au jardin des plantes. « Vous m'avez tant reproché d'être trop prudent. Vous voyez si je me trompais en vous affirmant qu'il devenait jaloux. Que vous a-t-il dit le soir ? » Rien, fit-elle, quoique cette naissance de la jalousie chez Alfred et l'évidence de son mensonge à elle fussent des faits d'une conséquence bien grave pour sa sécurité. Ce qui lui importait en ce moment, c'était de savoir comment son amant avait défendu son amour, leur amour, et elle demanda « Que lui avez-vous dit vous-même » « Si j'avais été seul en jeu, reprit Armand, vous comprenez bien que je n'aurais pas rusé devant cette loyauté. En définitive, je l'ai outragé. Il a droit à toutes les réparations et j'aurais éprouvé un grand soulagement à les lui offrir toutes. Mais il s'agissait de vous. Et je lui ai donné ma parole qu'entre vous et moi, il n'y avait jamais eu que des rapports d'amitié. » Il s'arrêta une minute, puis, avec une visible irritation, « Comme ce n'a jamais été notre habitude, ni à lui ni à moi, d'avoir deux de ces paroles-là, une vraie et une fausse, il m'a cru. Et pour le moment, il est calmé. » Elle l'écoutait et le regardait, tandis que lui-même regardait le feu, les coudes sur les genoux, le menton sur les mains. Elle se demandait « Si nous étions acculés à cette extrémité, m'aimerait-il assez pour partir avec moi, pour me donner toute sa vie et accepter toute la mienne? Mais où veut-il en venir ?» Elle se taisait, absorbée dans l'attente de ce qui allait suivre et qu'elle ne prévoyait pas encore. Il se servit, lui, de sa dernière phrase pour continuer. Il répéta « Il est calmé pour le moment. » Et il souligna ces trois mots. « Mais nos relations vont être rendues bien difficiles. Voyez-vous, pour un homme qui ne se défie pas, tout ce qui devrait faire preuve contre fait preuve pour. Quand on se défie, c'est le contraire qui arrive. Ai-je raison ?» Il était gêné du silence qu'elle continuait à garder. Appuyé sur le dos de son fauteuil, les mains allongées sur les deux bras de ce fauteuil, la bouche entrouverte, comme haletante, elle épiait sur le visage de son amant un passage d'émotions tendres. Elle n'y lisait que la sécheresse de la réflexion avec laquelle on établit les données d'une affaire. Sa voix, surtout. Cette voix dont elle connaissait les moindres nuances. Cette voix qui se coulait toujours dans les moindres replis de son cœur. Ah, cette voix avait une dureté cruelle, presque métallique. Allons. Encore un épisode à joindre à la longue histoire de son martyre. Ce supplice d'être enchaîné à une âme morte, où ce qui la faisait se tordre de douleur n'éveillait même pas une vibration. Pourtant, à cette demande, ai-je raison ? Elle répondit d'une voix étouffée d'inquiétude. « C'est possible, vous vous y connaissiez mieux que moi. » Puis, avec un effort, « Et quelle conclusion en tirez-vous »« Promettez-moi d'abord, répondit Armand, que vous ne prendrez pas mal ce que je vais vous dire. Soyez persuadé que je n'aurai jamais rien en vue que votre intérêt. Vous n'en doutez pas. » Pourquoi, à Hélène, à ces simples mots, baissa-t-elle la tête, comme s'il l'avait lu distinctement sur cette bouche les fatales paroles de la rupture ? Pourquoi fut-elle sur le point de crier, comme la condamnée de la terreur, « Monsieur le bourreau, encore un moment. » Ah, pourquoi le cœur qui aime possède-t-il cette seconde vue qui redouble les malheurs en les devançant ? « Il faut, reprenait le jeune homme, supporter une séparation de quelque temps, jusqu'à ce que les soupçons d'Alfred soient endormis. 4 ou 5 mois, 6 peut-être, pas davantage. Je vous faciliterai tout, en m'en allant de Paris moi-même, quoique cela me gêne beaucoup en ce moment. » Mais votre repos d'abord, n'est-ce pas ? Il continuait. Elle ne l'écoutait plus. Ce qu'elle voyait devant elle, ce n'était pas le danger. Qu'est-ce que cela lui faisait, le danger ? Il n'y avait qu'un malheur pour elle, celui de ne pas voir Armand. Il parlait de 4 ou 5 mois de séparation, 6 peut-être, comme il lui parlait de la beauté du jour, d'une pièce nouvelle, d'une visite à rendre. Cela lui paraissait tout simple à lui, de ne plus être dans la ville où elle était, de perdre l'habitude si douce de leurs entrevues quotidiennes. Non, non, cet homme ne l'aimait pas. « Et vous m'annoncez cette nouvelle comme cela, tranquillement, » dit-elle. « Et si vous ne m'aimiez plus après cette absence, que deviendrais-je ? Que me resterait-il ? Je vous en supplie, » répondit Armand impatienté, parce qu'il sentait la conduite de leur entretien lui échapper. « Ne mêlons pas les questions. Il s'agit en ce moment de la jalousie de votre mari et de votre sûreté. Une absence est-elle nécessaire, oui ou non ? Tout est là. » « Et si je vous proposais un autre moyen ? » interrogea-t-elle. « Mon mari est jaloux, soit. Ma sûreté est compromise, soit. Alors emmenez-moi avec vous. J'aime mieux tout perdre et vous garder. » et elle le dévorait des yeux en prononçant ces phrases. Il était bien obligé de montrer le fond de son cœur cette fois. Elle était dans un de ces passages où l'on joue le tout pour le tout, afin de savoir, oui, savoir la vérité, la tenir, l'étreindre, la palper comme un corps. Fallut-il en mourir ? Vous savez mieux que moi, répondit-il, que je ne peux pas faire cela. Et pourquoi ? Vous oubliez votre enfant. On prend une femme à un mari, mais une mère à un fils, jamais. Ah ! S'écria-t-elle, pourquoi ne me dites-vous pas que vous ne m'aimez plus ? Pourquoi ces phrases, ces ménagements ? Est-ce que vous croyez que je n'ai pas le courage de regarder la réalité en face, quelle qu'elle soit ? Je te le jure, Armand, tu serais moins cruel de me le dire tout de suite. Armand, dis que tu ne m'aimes plus, je le comprendrais. Je ne t'en voudrais pas, je m'en irais toute seule avec ma douleur. Une douleur causée par toi, ce sera encore quelque chose de toi, mais ne me laisse pas dans cette horrible incertitude. Mais ne me parle pas de t'en aller loin de moi, avec cette froideur, cette indifférence, si tu m'aimes. Mon Dieu, que je souffre !» L'émotion tirait sa bouche de côté, son souffle devenait court, et des larmes jaillirent de ses yeux, de grosses et lourdes larmes, qui roulèrent sur sa joue une par une, en y laissant comme des raies. « Nous y voici !» se disait Armand, et ses larmes, au lieu de l'attendrir, l'énervaient jusqu'à la colère. Il ne sympathisait pas avec cette souffrance, comme avec celle d'Alfred, peut-être, à cause de la différence des sexes qui veut que la peine de la femme ne nous soit pas toujours intelligible comme la peine d'un homme, notre semblable. Parfois aussi, l'impression de lâcheté que nous ressentons à faire souffrir une maîtresse, en nous abaissant à nos propres yeux, nous irrite au point d'empêcher l'attendrissement. Il s'est élevé, il marchait dans la chambre et songeait. Pourquoi ne pas en finir tout de suite ? Et tout haut, je ne sais vraiment pas ce qui vous fait pleurer. Dans ce que je vous ai dit, il n'y avait rien qui ne respirât la plus profonde affection pour vous. Comment n'eût-elle pas remarqué qu'il ne se servait déjà plus du mot « amour » ? Mais puisque vous exigez que je vous parle bien franchement, je vous obéirai. Non, ce n'est pas seulement pour vous que je vous demande cette séparation, c'est aussi pour moi. Il y a aujourd'hui entre nous deux, Hélène, une barrière qu'un homme d'honneur ne peut pas franchir. « Laquelle ?» répondit Hélène, qui trouva la force de relever son pâle visage taché de pleurs. « La confiance absolue d'un autre homme, » répliqua-t-il brusquement. « En venant ici, à cette place, Alfred ne m'a pas seulement parlé de sa jalousie. Il m'a montré une estime, une amitié, que je renonce à vous décrire. Il me soupçonnait, et il est venu à moi, le cœur ouvert. Pas une petitesse dans ce cœur, pas une amertume. » Mais une beauté de sentiment, une droiture, une sincérité d'amitié. Non, Hélène, je ne peux plus tromper cet homme-là, je me mépriserai trop. Eh bien, et moi ? S'écria-t-elle en se levant à son tour. Cet éloge de son mari par son amant achevait de la bouleverser, et la colère la gagnait. Est-ce que je n'ai pas marché sur tout cela pour venir à vous ? Est-ce que vous croyez que j'étais née pour trahir et pour mentir ? Est-ce que vous avez hésité une seconde à me demander de tromper cet honnête homme, cet ami confiant, quand vous aviez envie de moi ? Ah, vous n'avez pas eu honte pour moi, et vous en avez honte pour vous. Je vous défends de parler d'honneur, de foi parjurée, d'amitié trahie. Vous n'en avez pas le droit, puisque c'est vous, vous, entendez-vous bien, sur qui tout retombe ? Est-ce que c'est vous qui m'avez supplié d'être à vous ? Répondez à votre tour, oui ou non. Je vous demande bien pardon, reprit Armand. « Rétablissons les faits. Nous nous sommes aimés. Vous n'étiez pas une jeune fille, que je sache. Je n'étais pas un adolescent. Nous ne débutions pas dans la vie. Nous étions deux personnes d'expérience, n'est-il pas vrai ? Nous savions où nous allions. Je vous devais de ne pas vous compromettre. Et je parlais de vous, âmes qui vivent. Je vous devais de ne pas troubler votre repos. Je le trouble et je m'efface. Quant à ma conscience, permettez-moi d'être le seul juge de ce qu'elle me commande et de ce qu'elle me défend. » « Et dans 6 mois, répliqua Hélène, votre conscience sera plus accommodante ? Allons, soyez logique et franc, ce n'est pas une séparation momentanée que vous voulez, c'est une rupture. Que je vous l'entende dire, du moins, puisque vous voulez qu'on vous estime. » « Oui, répondit avec brutalité le jeune homme, que la subite révolte de cette femme, d'ordinaire si douce, si soumise, exaspérait. « Ainsi, vous vous croyez quitte de tout devoir envers moi, continua-t-elle. Vous me laissiez, comme cela, toute seule. Vous partiez. Vous m'auriez écrit 5 ou 6 lettres, puis plus rien. Vous vous seriez dit ces belles phrases? Nous savions où nous allions. Elle n'était pas une jeune fille. Nous étions 2 personnes d'expérience. Je serais curieuse, ajouta-t-elle, avec l'ironie douloureuse que donne la fureur croissante, de savoir au juste ce que vous entendez par là. À quoi bon? Fit-il. Je veux savoir, reprit-elle avec véhémence. J'ai besoin de connaître au moins ce que vous pensez de moi. Vous arriverez à me faire vous dire des phrases que vous regretterez, répliqua-t-il. Mais à votre tour, répondez-moi. Est-ce que vous croyez que je ne connais pas votre vie? Ma vie? Interrogea Hélène comme écrasée d'une stupeur que le jeune homme prit pour l'épouvante de cette subite révélation. Voulez-vous des faits? Reprit-il plus âprement. Vous les aurez. Avez-vous oublié votre liaison avec M. de Varade? Ah! S'écria-t-elle, mais c'est une infamie! M. de Varade! Elle se passa les mains sur le front avec égarement. Dites que vous n'avez pas cru cela, je vous en supplie! Mon amour, dis que tu n'as pas eu cette idée de moi! Oh, dis-le, dis-le, dis-le! Je l'ai cru, répondit-il, le cœur fermé à ce cri de sa maîtresse, par la sèche et méchante jalousie du passé, dont une triste anomalie de sa nature l'avait toujours fait un peu souffrir auprès d'elle, bien qu'il ne l'aimât point. « Alors ?» dit Hélène que cette réponse venait de glacer. « Si vous l'avez cru, pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Si cette pensée vous a dominé quand vous m'avez demandé d'être à vous, si vous avez jugé que vous aviez moins de responsabilité envers moi à cause de cela, pourquoi n'avez-vous pas douté? Est-ce que vous en étiez sûr? Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que je n'avais pas une chance pour que ce ne fût pas vrai? Une chance, une seule chance? Mais savez-vous que c'est un crime que de prendre tout le cœur d'une femme et de garder sur son cœur à soi de ces idées-là? Eh, répliqua-t-il en haussant les épaules, vous m'auriez trouvé parfaitement ridicule si je n'avais pas été votre amant. Je l'étais, et encore une fois, nous n'avons rien à nous reprocher, ni vous à moi, ni moi à vous d'ailleurs. Votre passé n'était qu'à vous. Et je n'avais pas à en demander compte, pas plus que de votre avenir. Quant au présent, je vous connais assez pour être sûr que vous n'êtes pas femme à prendre 2 amants à la fois. C'est bien de l'honneur, dit-elle d'une voix presque éteinte. Elle était pâle comme une morte. L'égoïsme et l'insensibilité de celui qu'elle aimait la paralysaient d'une horreur telle que les larmes ne lui venaient plus. Il n'éprouvait qu'un désir, celui de s'en aller de cet homme, de ne plus voir ses yeux, cette bouche qu'elle avait tant aimée et qui lui avait tant menti, toujours menti, puisque, dès le premier jour, il avait cru cela et sans preuve. Machinalement, elle reprit son manteau, son manchon, elle noua son voile. « Adieu, » dit-elle. Il eût été impossible en ce moment de prolonger cet entretien, tant l'indignation la suffoquait. Il n'essaya pas de la retenir. Il lui dit aussi « Adieu ». Elle sortit de la chambre, et il l'accompagna, sans que ni elle ni lui prononçassent une parole, jusqu'à la porte de l'appartement. Cette porte, une fois refermée, il revint dans le salon où il ne restait de la tragique scène qui s'y était jouée, d'autres traces que le dérangement du fauteuil repoussé par Hélène quand elle s'était levée. « Tout s'est mieux passé que je ne croyais, » se dit-il, « quand on peut les clouer mûrs avec un petit fait. Allons, c'est fini. » Et il répéta tout haut, « C'est fini. » avec cette étrange impression de soulagement à la fois et de détresse qui accompagne les ruptures d'amour. « Elle était bien jolie, » songea-t-il. « Maintenant, prenons garde à la vengeance. Mais quoi? Elle n'a pas un billet où je la tutoie. Je vais avoir le soin de retirer tous les menus objets qu'elle a chez Madame Palmyre. Je les lui ferai remettre plus tard, quand nous en serons à la période où elle me dira « Vous m'avez bien fait souffrir. » Avec la lettre de mon successeur dans son corsage, entre la chemisette et la peau. Il s'assit de nouveau devant le feu dont il tira quelques étincelles. « Ah » dit-il encore, « l'arrière-goût de la vie est trop amer. »